Donc normalement ce serait la, si. Là ce serait le si. C'est un peu... Ah ouais, d'accord. Il faut que je tape toujours au même endroit. Là, ce serait le si. Ensuite, le do. Le fa dièse, il est plus au bon endroit. Au secours, on m'a volé une faille. Possible, l'eau passe au travers. Il y a des fentes. J'en ai un deuxième, hein, s'il y en a un qui en veut un.